Voici votre bulletin régional. Il est maintenant temps de la préinscription en ligne pour la saison de hockey 2015-2016. Un rabais de 20$ sera appliqué à tous les paiements complets faits avant le 20 août 2015. Le 4 juin, dès 19h, à la salle des Chevaliers de Colomb de Hastings, super bingo du jeudi soir avec possibilité de 1 300$ en prix. Information à 819-832-3454. Des cours de mise en forme se tiendront au parc des Deux-Rivières de Hastings d'ici peu. Un essai gratuit est offert le 4 juin. Pour inscription ou information, 819-640-3734 ou au www.enformedelamaison.com.